Son accusation contre Dolabella. Il va étudier à Rhodes, il est pris par des pirates. Ses succès contre Mithridate. Ses troubles apaisés, il accusa de concussion Cornelius Dolabella, qui avait été honoré du consulat et du triomphe. L'accusé fut absous, et César résolut de se retirer à Rhodes, tant pour se dérober aux ennemis qu'il s'était fait, que pour y consacrer ses loisirs aux leçons d'Apollinius Molon, le plus célèbre rhéteur de ce temps-là. Dans ce trajet, exécuté pendant l'hiver, il fut pris par les pirates, à la hauteur de l'île Pharmacus, et non sans la plus vive indignation, il resta leur prisonnier l'espace d'environ 40 jours, n'ayant près de lui qu'un médecin et 2 esclaves du service de sa chambre, car il avait dépêché sur le champ ses compagnons et ses autres esclaves, pour lui rapporter l'argent nécessaire à sa rançon. Il la paya 50 talents, et à peine débarqué sur le rivage, il poursuivit, à la tête d'une flotte, les pirates qui s'en retournaient, les réduisit en son pouvoir et les punit du supplice dont il les avait souvent menacés, comme en plaisantant. Mithridate ravageait alors les pays voisins. César ne voulut pas paraître indifférent au malheur des alliés. De Rhodes où il s'était rendu, il passa en Asie, leva des troupes auxiliaires, chassa de la province le lieutenant de ce roi et retint dans le devoir les peuples dont la foi était ébranlée et douteuse.